Oui, aujourd'hui c'est lundi 29 juillet, il est minuit et une minute. Et je suis super content parce que dans 17h03, Ghostbusters, ça va recommencer. Et franchement, pour moi, ça veut dire le début de l'été. Et c'est trop génial. Bisous! J'aime Blockbuster, savez-vous pourquoi? Parce que c'est léger et pointu à la fois. Salut à toutes et à tous, bienvenue et bon retour, surtout pour cette saison 4 de Blockbuster. Je rebondis sur l'un des podcasts consacrés à Watchmen à la rentrée dernière, à l'occasion de la diffusion de la série de Lindelof sur HBO. J'avais quelques réticences. Je viens de le voir récemment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, bonne reprise. Ouais, salut Fred, c'est Michel Patulacci, à l'appareil, l'agent de Dedo. Bah écoute, je t'appelle concernant la première semaine de Blockbuster. Alors il est évident que bon bah Nirvana et Conan, bah, ça va le faire. Par contre, il assume vraiment pas son amour pour Barbie. Donc bon bah malheureusement, tu l'auras que deux fois cette semaine. Mais bon, je pense qu'on a à peu près tout l'été pour tenter le quarté et le quinté. Donc bah écoute, on se rappelle, on se fait une bouffe et puis bon début de semaine. Salut champion. Tigris, trop bien, Tigris, trop bien parmi les siens. Avec Blockbuster, il fera mon bonheur, Tigris, trop bien parmi les siens. To be or not to be, not to be. La dernière fois que j'ai écrit un édito de Blockbuster, ça parlait de zombies, de pandémie mondiale et de virus. Vu que juste après le Covid nous est tombé dessus, je pense que pour cette nouvelle saison, je vais parler de plein emploi, d'amour et de licorne éco-responsable. Sérieusement, je ne sais pas qui a écrit le scénario de l'année 2020, mais j'ai envie de lui dire, prends ton temps. On n'est qu'au mois de juillet. Avec tout ce que tu nous as balancé depuis 6 mois, Game of Thrones, ça aurait pu tenir 12 saisons. Ça va trop vite. Un jour, on te dit « Sortez pas, le virus traîne dehors !» et le lendemain, t'ouvres ta fenêtre, t'as Balkany qui danse la tectonique. What the fuck ? 2020, c'est bien simple, on dirait une phrase de Muriel Pénicaud, ça n'a aucun sens. Même nous, en tant que citoyens, on va pas se mentir, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Je me dis que des années passées à visionner des films catastrophes auraient dû logiquement nous préparer à un minimum à cette pandémie. Mais non ! Notre film catastrophe, il s'est arrêté au rayon papier WC des supermarchés, avec un budget costume qui a juste permis à des soignants d'aller au front avec des sacs poubelles et des lunettes de ski. Steven Soderbergh, pour le film Contagion, au moins il avait du budget. Pareil, dans Independence Day, on les voit jamais ces scènes où le gouvernement fait rembourser aux citoyens les immeubles défoncés par les aliens. Et durant ce confinement, j'ai revu un film très troublant, compte tenu de ce que l'on a vécu, La planète des singes. Dans la dernière trilogie, un virus s'échappe d'un laboratoire pharmaceutique et fait disparaître une bonne partie de l'humanité, mais sans toucher les animaux. Dis, je m'adresse à toi, le ou la scénariste de 2020. Non seulement tu fais n'importe quoi, mais en plus tu plagies. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Regarde, maman, un homme. Chef, débarrassez-nous de cette créature. Attrapez-le. Allez, il est par là! Allez-y, pour l'arrêter! Allez, allez! En 1963, l'écrivain français Pierre Boulle fait paraître une satire qui n'avait pas vocation à révolutionner la littérature de science-fiction, et pourtant, La planète des singes. L'histoire se déroule sur une planète lointaine où une société primitive d'humains est réduite en esclavage par des grands singes évolués. 57 ans après, avec 9 films, une série, un dessin animé et autant de bandes dessinées, La planète des singes est devenue une des franchises les plus rentables d'Hollywood. Pour revenir sur cette saga qui n'a eu de cesse de se réinventer depuis un demi-siècle, j'ai avec moi Océane Zerbini, bonjour. Bonjour Fred. Alors, Océane, que je vais quand même présenter, parce qu'il y a des auditeurs de Blockbuster qui te connaissent, mais d'autres non. Vous êtes fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Tout à fait. Avec nous également, Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France et auteur, entre autres, de l'ouvrage L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, paru chez Odile, aux éditions Odile Jacob en 2019. Et Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots, également aux éditions Odile Jacob en 2017. Absolument, merci. À Avec nous également Natacha Vazder, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et chercheuse de l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la science-fiction littéraire et cinématographique, lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire en 2013 et 2016 pour les ouvrages « Ces Français qui ont écrit demain » et pour les carnets chronolithiques de Michel Jury. Vous êtes aussi cofondatrice et présidente depuis 2020 d'un nouveau festival Hypermonde consacré à la science-fiction et à l'imaginaire sur Bordeaux. Alors la première édition a été reportée en septembre 2021, on sait pourquoi, et la thématique est consacrée cette année aux robots et créatures artificielles. Tout à fait. Et enfin, parce que je sais que là les auditeurs disent « Bah, il en manque un !» C'est Dedo, mon ami Dedo. Bonjour Dedo. Bonjour, je passe après... Après des gens totalement érudits, j'ai l'impression d'être nul, mais c'est pas grave. On va mais non. Vous avez une chance, on va parler des grands singes. Ah bah voilà, je suis pas perdu. Pour les gens qui ont pas... Bienvenue à la maison. Pour les gens qui ont pas les images, justement, je tenais à dire que dans Blockbusters, il y a bloc, et on ressent bien cette notion-là dans la cabine d'enregistrement. Tout le monde a des masques bleus, j'ai l'impression qu'on va opérer de l'appendicite. C'est très étrange. Alors je rappelle que vous êtes humoriste, votre deuxième spectacle Killing Joke est disponible sur votre chaîne YouTube, et vous reprenez la tournée de rodage de votre nouveau spectacle durant le mois de septembre. Les premières dates, c'est le 11 et 12 septembre à Genève, le 18 septembre à Toulon, toutes les dates sur le site Blockbuster de France Inter. Ensemble, on va retracer l'histoire de la planète des singes, on essaiera de comprendre ce que ces singes disent de nous, du regard que l'on porte à la fois sur l'humanité et sur le monde animal, on parlera cinéma bien entendu, et en quoi la manière de mettre en scène ces lointains cousins à l'écran est aussi une vitrine technologique de ce que le cinéma est capable de faire au fil des époques. Allez, Blockbuster saison 2020, c'est tout de suite, c'est maintenant. La planète des singes, c'est une planète où l'évolution s'est faite d'une manière différente de ce qui s'est passé sur la Terre. Pierre Boulle. C'est-à-dire que les hommes sont restés à l'état sauvage. Mars 1963. Tout en gardant la forme humaine, la forme physique humaine. Et ce sont les singes qui se sont haussés jusqu'à la civilisation. L'esprit s'est incarné dans les singes. Les hommes sont de véritables bêtes. C'est très méchant pour les hommes. Pour les hommes ou pour les singes ? Cornelius a développé une hypothèse extrêmement brillante. Les singes, d'après sa théorie, viendraient peut-être d'un ordre inférieur de primates, probablement de l'homme. Pendant son voyage dans la zone interdite, il a découvert des traces d'une civilisation très ancienne que nul ne connaît. Les preuves étaient bien minces. Ce n'est pas ce que tu m'as dit à l'époque. C'était avant que le docteur Zaius et la moitié de l'académie disent que mon idée était hérétique. Comment une théorie scientifique peut-elle être hérétique ? Et si tel or était exactement la preuve dont tu as besoin ? Si c'était un mutant, l'anneau qui manque à la chaîne entre le primate non évolué et l'être supérieur, le singe. S'il était le chaînon manquant, il faudrait jeter à la poubelle les rouleaux sacrés. Eh bien, il faudrait peut-être le faire. C'était un extrait de La planète des singes, sorti dans les salles en 1968, une conversation entre Zira et Cornelius, respectivement doublée par Arlette Thomas et Serge Lorca. Donc là, je me tourne vers Natacha Vazder. J'aimerais savoir, que représente le roman de Pierre Boulle dans le paysage de la science-fiction littéraire ? Alors, dans la science-fiction française, peut-être. Alors, c'est un statut un petit peu à part parce que quand Pierre Boulle donc a écrit La planète des singes en 1963, il le considérait vraiment comme un écrit satirique. Et quand on lui posait la question dans les interviews, mais pourquoi avez-vous écrit ce roman ? Quelle était la source du roman ? Pierre Boulle répondait deux choses, par l'observation des grands singes d'une part, et puis par l'observation des hommes. Et ce qui l'avait surtout frappé, en fait, c'était une visite à la Bourse de Paris, toutes les manifestations collectives, les réunions politiques où Pierre Boulle disait qu'en fait pour lui il n'y avait pas beaucoup finalement d'intelligence humaine. Alors c'est peut-être pas très très sympa effectivement pour les singes après dans un rapport un petit peu inversé, mais dans tous les cas c'est ça qui a poussé en fait Pierre Boulle à écrire ce roman. Donc lui, initialement, il n'avait pas pour vocation à écrire un livre de science-fiction. C'était vraiment plus une sorte de fable satirique, conte philosophique. Oui, plutôt conte philosophique, je dirais dans la veine de Swift, de Voltaire. Ça, c'est un premier point. On pourrait l'appeler aussi de l'ethnofiction, c'est-à-dire qu'en fait, Pierre Boulle crée finalement une société fictive, humanoïde. Les grands singes peuvent être apparentés, on va dire, à des êtres humanoïdes. Et il va en fait étudier et nous proposer complètement, finalement, tous les domaines de cette société. Et en même temps, évidemment, cette société, c'est le reflet de la la nôtre. Donc voilà ce que c'est de l'ethnofiction. Dans le même temps, il y a eu l'œuvre de Francis Carsac qui s'appelle Ce monde est nôtre en 1963, et il y a eu également Homme sans série, donc en 1952, si je ne me trompe pas dans les dates. Et c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une époque où dans la science-fiction française, alors même si Pierre Boulle n'a jamais dit qu'il écrivait de la science-fiction. Ça, c'est nous, en fait, qui, a posteriori, classons, en fait, son roman dans la science-fiction. Mais c'était quand même une époque, enfin, toute cette période-là, où il y a eu, effectivement, d'autres œuvres en France qui ont utilisé, en fait, la même technique, en fait, d'inversion et d'ethno-fiction, justement, pour critiquer notre société. Et en faisant un petit pas de côté, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que Pierre Boulle, avant même d'écrire La planète des singes, avait eu une vie extrêmement remplie. Il a été résistant. Il a même été condamné à perpétuité par le gouvernement de Vichy parce qu'il était un des premiers à avoir rejoint le général de Gaulle. Et il a été emprisonné pendant 2 ans à Saïgon et il s'est évadé. Et tout cet aspect vraiment... C'est d'ailleurs là qu'il a écrit le Pont de la rivière Kouai, qui est l'autre très grand roman, très grand succès de Pierre Boulle. Et est-ce que justement ce passé s'en ressent dans l'écriture de La planète des singes? Alors peut-être pas dans La planète des singes. Alors sauf si évidemment donc le personnage principal Ulysse Mérou, bien sûr, est emprisonné par les singes. Ça, c'est une thématique qu'on va retrouver dans le roman et puis bien sûr dans le film de Schaffner après. Mais je crois que c'est surtout dans le Pont de la rivière Kouai qu'on va retrouver quand même cette expérience-là. Et puis ce qu'il faut dire sur la carrière de Pierre Boulle, très simplement, c'est que Pierre Boulle s'est complètement partagé entre ce qu'on appelle la littérature blanche, mainstream, et une littérature quand même de science-fiction, puisque il a écrit de nombreux recueils de nouvelles. Il a beaucoup écrit, par exemple, sur des paradoxes temporels qu'on va retrouver. Alors c'est pas vraiment un paradoxe temporel justement dans le roman, mais on verra que dans les films, évidemment, le paradoxe temporel, il est quand même au cœur de la saga et bien sûr de l'histoire de La planète des singes. Voilà, donc c'est un peu aussi, aujourd'hui, on pourrait dire que La planète des singes, c'est de la science-fiction, parce que c'est quand même, pas un space opéra, mais du planète opéra, c'est-à-dire, on a un voyage dans le roman de deux personnages, Jean et Phyllis. On ne sait pas ce que c'est au début, je ne sais pas si on peut spoiler pour les auditeurs, oui quand même. Je pense qu'on peut. 68, voilà. on peut. Ouais, ça va. et donc Jean et Phyllis en fait sont des chimpanzés qui voyagent dans l'espace et qui découvrent le manuscrit d'Ulysse Mérou. Donc, et qui n'y croient pas d'ailleurs. Et qui n'y croient absolument pas. Et on ne découvre en fait que dans la dernière phrase du roman, c'est une sorte de retournement conclusif ou de twist on dirait au cinéma, que en fait ce sont des singes. Et on va retrouver ça bien sûr dans le film. Et Pascal Pic, j'ai envie de vous demander, depuis tout petit, à l'école, on nous enseigne la théorie de l'évolution, on nous dit que l'homme descend du singe. Mais déjà, est-ce que c'est correct comme notion? Est-ce qu'on descend du singe ou est-ce qu'on a plutôt un lointain cousin en commun? Ah non, il n'est pas lointain, il est très proche. D'ailleurs, les chimpanzés ont le sens de l'humour. Il y a une blague qui les fait se marrer, ils n'avaient pas idée. C'est l'homme descend du singe, justement. Les singes, c'est quoi? Ce sont des mammifères qui ont 5 doigts terminés par des ongles. Le premier qui s'écarte, donc l'autre pouce. On l'a perdu au pied. Nous avons les yeux en façade, 32 dents, etc. depuis 32 millions d'années. Donc, on fait partie du monde des simiens, mais c'est pas le singe comme l'animal des philosophes qui est jamais défini. Hein. C'est toujours cette idée de séparer l'homme du singe. Et d'ailleurs, Pierre Boulle avait une excellente connaissance de ce qu'on appelle la psychologie animale à l'époque, qu'on appelle l'éthologie maintenant d'une manière plus générale. Et c'est dans ce film que l'on découvre, dans cette inversion qui vient d'être décrite, parce qu'en définitive, ça se passe en 64, hein, 63-64, et quand il revient, surtout à l'aéroport d'Orly. Donc, je veux dire, ça se passe pas comme dans le film de Schaffner, dans une espèce de néolithique, oui. Et ça se passe pas dans le futur. Alors, la dernière série de films reprend le monde actuel, ça c'est très bien. Donc, on retrouve l'esprit de Pierre Boulle au départ. Et dans tout cela, dans les discussions, on a entendu un petit peu Zira, là. Donc, c'est quoi ces hommes, là? Est-ce qu'on descend d'eux, etc.? Et il parle du canon de Morgane. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui a été très actif au moment de la naissance de l'éthologie, donc l'étude du comportement des autres espèces et de la psychologie animale. Et là, on est à la fin du 19e siècle. Et après les travaux de Darwin, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ces grands singes ne sont pas beaucoup plus humains qu'on imaginait? Parce qu'on connaissait pas grand-chose. Et là, il y a eu beaucoup d'anecdotes, on décrivait des petites scènes à droite, à gauche, qui étaient sympathiques, mais c'était pas très structuré, pas scientifique. Et là, un grand anthropologue et un grand psychologue, Lewis Morgane, a dit, non, lorsqu'on analyse le comportement d'un animal, si on comprend, c'est les grands singes, il faut toujours aller chercher une explication de plus bas niveau, pour faire simple, un instinct, plutôt qu'un comportement qui fait appel à une réflexion et à la raison. Donc là, le canon de Morgan, ça, ce qui va donner après ce qu'on appelle le behaviorisme, c'est-à-dire l'étude du comportement qui était basée sur les réflexes, les stimulations, qu'on voit dans les films d'espionnage, qu'on voit dans La mort dans la peau, etc., etc. Et donc, Pierre Boulle, c'est absolument incroyable en tant qu'anthropologue et spécialiste de l'évolution des grands singes. D'une part, à l'époque, on connaissait très peu de choses sur les comportements des grands singes. Très peu de choses. Jane Goodall n'est même pas sur le terrain. Il y a les Japonais, on ne le sait pas. Hein. Donc on connaît rien sur le comportement de la nature des grands singes. Mais en plus de ça, il a une parfaite connaissance, effectivement, de l'histoire et des grands enjeux par rapport à ça. Et c'est là que le film est très fort, parce que tout ce qu'on nous apprend à l'école, vous avez parlé de l'évolution, l'homme descend du singe, l'animal qui est dans les instincts, enfin, vous connaissez ça par cœur comme moi, eh bien, dans ce film, est complètement inversé. Pourquoi? Parce qu'à ce coup, le canon de Morgan se retourne vers nous. Et là, on s'aperçoit que la situation qu'on fait au grand singe, eh bien, insupportable. Et il y a encore autre chose, d'un point de vue expérimental, pour montrer comment il était très bien renseigné, Pierre Boulle, pour l'époque, les conditions d'expérimentation. On en reviendra, parce qu'il y a une scène dans un laboratoire qui est absolument géniale. Mais en tout cas, les conditions d'expérimentation qui sont appliquées dans le livre de Pierre Boulle, elles sont aujourd'hui même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un respect des animaux. Ils sont dans des cages, bien sûr, on lui donne une femme, enfin tout ça n'est pas très sympathique de notre point de vue, mais néanmoins, il y a vraiment une considération de l'espèce qu'on appelle le bien-être animal. Et même dans le livre de Pierre Boulle, en 63, eh bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore appliqué ces standards. Donc voilà, le livre est très important sur le plan scientifique, et puis surtout cette dystopie qui va en fait avancer avec les films, avec les angoisses de chaque époque. Eh bien, on va continuer d'en parler. On va évidemment parler de la planète des singes, mais pour le moment, on va écouter Gorillaz avec Clint Eastwood. La ferme, toi, important. Ah, juste. Assez. Je t'ai dit de la fermer. Je suis dans mon monde fou. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end line. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my future. chair. C'était Clint Eastwood du groupe Gorillaz. Je vous rappelle que cette émission est réalisée comme toujours par Céline Hila. À la programmation musicale, Muriel Pérez, Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Combe ont préparé cette émission aidée par Tom Malky. Et à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin et Clément Berman. Vous êtes bien sur France Inter et vous écoutez Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sarah Connor. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Alors, je vous rappelle que vous pouvez durant tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire la planète des singes. Et du coup, je vais reprendre les bonnes habitudes. Quand la lumière devient rouge, c'est qu'il faut parler. Et c'est vrai qu'après un confinement, des fois, il y a des réflexes que l'on n'a plus. Alors, nous sommes toujours avec Océane Zerbini, Pascal Pic, Natacha Vazder et Dedo. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle du film La planète des singes. Dedo, Océane, à quel moment vous avez découvert le film La planète des singes, et est-ce que ça a été tout de suite un choc pour vous ou est-ce que ça arrivait un peu plus tard, Océane? Alors c'est arrivé un peu plus tard parce que j'ai d'abord vu celui de Tim Burton que j'ai pas du tout aimé. Je suis désolée. Ah oui, aïe. Autant en parler maintenant, hein. Il faut que ça sorte. Voilà, il faut que ça sorte. C'est encore un peu un traumatisme parce qu'on se dit que Tim Burton, qui aime justement toute l'esthétique des monstres, l'humanité des monstres, il n'arrive pas à s'approprier le sujet correctement. Et ça rend la chose d'autant plus dommage que c'était du pain béni pour lui, mais il n'a pas réussi à concrétiser tout ça. Je pense aussi que l'interprétation de Mark Wahlberg n'aide pas du tout à ce que le film soit sympathique. Donc Tim Burton a peut-être un peu planté cet essai-là, mais quand même il était bien aidé dans le coup. Mais après, il y a aussi Helena Bonham Carter qui, à côté, avec toutes ses prothèses, arrive aussi à rendre pas mal d'humanité à son personnage. Et c'est ça qui reste quand même intéressant dans le film, c'est que les singes restent plus authentiques et plus humains, même dans l'interprétation, que les acteurs humains. Mais d'ailleurs, pour boucler le sujet Tim Burton, c'est la réussite principale de ce film, c'est l'esthétique. Voilà, Tim Ross, etc., les costumes, le côté aussi culture recréée, parce que même si les précédents opus de La planète des singes étaient réussis et avaient un budget conséquent pour l'époque, ça restait quand même de petits budgets. Hein. Je crois qu'on est descendu à 1,5 million pour le dernier de la précédente franchise. On passe de 8 millions de dollars pour le premier film, qui a remporté beaucoup d'argent. 39 millions de dollars, je crois. Ça correspond à peu près 200 millions de dollars, donc c'est vraiment énorme. Et le dernier, effectivement, c'était même pas 1,5 million. Donc en fait, à chaque fois qu'un film de la saga originelle était fait, c'est que la Fox, qui produisait les films, était un peu en galère financière. En fait, au moment du premier film, donc en 68, il sortait de l'échec de Cléopâtre, et qui les avait vraiment mis sur la paille, et comptait un peu se renflouer les caisses avec un film à petit budget, parce qu'à l'époque la science-fiction n'était pas autant prise au sérieux qu'aujourd'hui, et à chaque fois qu'ils encaissaient des échecs, ils reprenaient la formule, mais à chaque fois avec un budget moins conséquent, et des recettes au box-office aussi qui descendaient de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 68, la dimension technologique du livre est un petit peu mise de côté, parce que le budget est moindre, donc on évite de pouvoir montrer à l'écran tout ce qui est des singes qui conduisent des hélicoptères ou qui sont dans des véhicules. On se dit peut-être que le côté désertique, plutôt qu'une ville technologique, ça va être un peu plus sympathique à exploiter en termes de moyens. Donc du coup, c'est pour ça qu'à l'écran, on se retrouve devant ces plaines complètement arides, et qu'on a pu jouer à ce niveau-là sur cette production-là. Parce qu'au départ, quand Arthur P. Jacobs achète les droits, lui, à la base, il aurait bien aimé justement retaper le succès qu'avait été King Kong. Donc il se retrouve justement sur cette opportunité-là. Mais malgré tout, la Fox était assez réticente au départ. Donc la condition sine qua non pour que ça se fasse, c'était d'avoir ce budget un peu famélique. Bon, il a réussi à le transcender grâce à William Shatner, qui est devenu un très grand réalisateur par la suite, qui a fait Papillon, Patton et des tas de films qui commencent par Franklin. Qui sont très Franklin, pardon. Tant pour moi. Parce qu'il y a William Shatner, le capitaine Kirk. J'ai dit William Shatner. Oui, non, t'as dit William Shatner. J'ai dit William Shatner, mais c'est Franklin. J'aime Star Trek. Mais c'est bien de rappeler ça, parce que l'histoire se répète un peu, parce que le premier blockbuster, c'était Pascal King Pic. Kong, en effet. Et marrant, l'histoire rigolote, parce que avant, la même équipe, Cooper et Sojak, avaient fait les chasses du comte Tsaroff. Exactement. Ils ont retourné les décors, ils ont fait King Kong, qui est devenu cette histoire extraordinaire. Et l'histoire de King Kong, alors c'est pas le sujet, mais c'est marrant, parce qu'on retrouve Joseph Conrad, donc on retrouve des tas de choses derrière. C'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de singe. Derrière, il y a toujours une grande charge littéraire, beaucoup d'essais, de dystopie, qui sont absolument fascinants. enfin, revenons à la planète des singes, quand même. Mais il y a un homme qu'on n'a pas encore cité, c'est Rod Sterling, le créateur de la quatrième dimension, qui retravaille le scénario originel de Pierre Boulle et qui amène cette dimension de guerre froide, de d'humanité qui s'est autoconsumée elle-même dans un cataclysme qu'on imagine nucléaire. Il y a aussi cette dimension de la disparition et de l'homme responsable de sa propre extinction dans le premier Planète des singes. Ah, c'est l'angoisse nucléaire, hein, dans les années 60, soyons très clairs. Hein, et en plus, tous sont trop jeunes ici, alors je suis quand même pas un fossile non plus. Mais d'un autre côté, quand même, c'était la grande angoisse. La conscience écologique viendra un peu plus tard. Et il y avait la guerre du Vietnam, tout ceci. L'année 68, ça a été mondial. Hein, les manifestations, c'était dans le monde entier. Il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'aux États-Unis, et pour différentes raisons. Et là, en effet, c'était l'angoisse nucléaire, et on était quand même juste à la sortie de la guerre froide. Voilà. Et donc, quand on voit cette statue de la liberté à la fin, ça nous fait froid dans le dos quand même. Hein. Et c'est un des intérêts justement de la saga, c'est qu'il y a toujours, au long de chaque épisode, en tout cas pour la première saga, si on peut l'appeler, un sous-texte politique et sociétal qui est très intéressant à disséquer au jour de l'actualité d'époque. Et encore actuel. D'ailleurs, la fin, juste une toute petite anecdote, en fait, l'ultime scène du film de Schaffner avec la statue de la liberté, puisque c'est Rod Sterling qui a écrit donc le scénario, en fait, il avait déjà eu cette idée-là, alors pas avec la statue de la liberté, mais en fait avec un simple panneau, puisque dans un, c'était dans une de ces derniers épisode donc de Twilight Zone en 59, il avait donc des astronautes en fait sont sur une autre planète et à un moment donné ils tombent, alors ils sont dans un désert et ils tombent sur un panneau où il y a écrit Reno Nevada 97 miles et donc ça c'est voilà c'est la fin en fait du petit film mais que Sterling a repris et a amplifié en fait dans la fin du scénario donc de Schaffner avec cette scène qui est cultissime quoi. C'était un militant anti-nucléaire. Donc en fait, toute son idéologie de gauche, il l'a injectée aussi dans la planète des singes avec Pierre Boulle. Ça a fait quelques étincelles parce que Pierre Boulle n'était pas forcément d'accord pour parler de ces sujets-là. Donc c'est pour ça que Pierre Boulle n'a pas trop collaboré au premier film, mais qu'il revient. Il a fait un traitement, il me semble, pour le deuxième film. Pour le deuxième, mais qui n'a pas été utilisé. Ouais, en fait, il a écrit un scénario, alors qui est à la BNF. Moi, que j'ai pu consulter, c'est un manuscrit qui s'appelle donc La Planète des Hommes. Oui. Et bon, je peux vous dire simplement très très rapidement le pitch, mais en fait, le scénario a été totalement refusé donc par les producteurs, mais ils s'en sont servis quand même après. Hein. Il y a quand même pas mal d'éléments qu'on va retrouver, notamment dans les deux autres films. Mais en fait, Taylor donc dans cette suite de Pierre Boulle, en fait, décide d'éduquer donc les hommes qui ne le sont pas, leur réapprend le langage, leur réapprend des techniques, et puis se passe sur à peu près une vingtaine d'années et son fils Sirius en fait décide de se venger des singes de la cité des singes, va les détruire dans de grandes flambées de violence et Taylor n'a évidemment pas du tout voulu ça et à la fin on a de nouveau une sorte de twist, un retournement, c'est-à-dire que les singes sont complètement détruits et Taylor à un moment donné, donc ils sont emprisonnés, Taylor veut défendre Zira et Cornelius, il est abattu par l'un des sbires justement de son propre fils et Zira et Cornelius se suicident pour ne pas être esclaves. Et la scène finale, c'est Zaius qui en fait est dans un cirque qu'on a habillé et qui va faire une sorte de comédie. Voilà, et c'est le dernier un happy end. Ah oui, c'est un gros happy end. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas oublié. Ça peut jouer, effectivement. On va rester quand même dans cette idée de colère vis-à-vis de l'establishment. On va écouter Attic avec son titre Prison pour mineurs qui est également la BO de la série validée. Appelle-moi Abbas, sort de mon tipi. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est dit par qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance, donc n'appelle pas le Samu. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même Zeyo. J'suis dans le bunk, j'vends la drogue, j'me vois déjà tête du réseau. Avec mes rayons barotes, dans les couilles quelques barreaux. Et si t'es bon, j'te fais un tarot, j'te tape comme les paos. Et ça fait sort de mon tipi. J'suis dans mon hall et j'rêve d'être sur une plage AMTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. Je me revois sur le banc de la prison pour mineur. Me noter au milieu du Jackson parce que j'ai du pilon dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. Me noter au milieu du Jackson parce que j'ai du pilon dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crampes. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crampes. La rue la vraie pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. C'était Attic avec Prison pour mineurs. Dès le départ, César a montré des signes d'intelligence élevés. Alors je l'ai gardé. Et j'ai commencé à travailler chez moi. À 18 mois, César connaissait pas moins de 24 mots en langage des signes. À l'âge de 2 ans, César réalisait des puzzles et des maquettes conçues pour des enfants à partir de 8 ans. À l'âge de 3 ans, César continue à faire preuve de capacités cognitives qui dépassent de loin celles d'un humain au même stade. Maison. Je maintiens mes hypothèses selon lesquelles... A. Le vert de ses yeux indique que l'ALZ-112 a été génétiquement transmis de la mère à son fils. Et B. Quand l'absence de cellules endommagées a remplacé la molécule présente dans son organisme, a radicalement accéléré le fonctionnement de son cerveau. C'était un extrait de La Planète des Singes, les origines de Rupert Wyatt, et vous venez d'entendre James Franco en version originale, et dans la version française, c'est le comédien de doublage Anatole de Bodina. Alors, on a parlé de La Planète des Singes avec Charlton Heston, mais ensuite, il y a eu toutes ces suites qui se sont développées avec Zira, Cornelius, les enfants, l'enfant, le fils de Zira et Cornelius, César. La Planète des Singes, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui n'appartenait même plus vraiment à Pierre Boulle. Ah, totalement. Je pense qu'on s'en est... Alors, Pierre Boulle, d'abord, il n'y croyait pas du tout à La Planète des Singes, à cette adaptation. D'abord, il ne croyait même pas au succès de son propre roman. Et puis, il ne croyait pas du tout à l'adaptation donc par le cinéma. Il trouvait que c'était complètement grotesque et ridicule de faire jouer des singes. Il voulait que les animaux soient respectés. Et donc, il trouvait que ce n'était pas une idée formidable de le passer donc au cinéma. Et donc, je crois qu'avec toutes les différentes... les différentes séries. Bon, d'abord, on est passé sur une franchise, mais par exemple, si on fait référence à celle de 2011, qui est un reboot, c'est-à-dire qu'en fait, on recommence toute l'histoire. Il y a quelques références. Ils ont essayé de tricher un petit peu avec ça, hein, parce qu'il y a quelques éléments qui pourraient expliquer que ça recoupe, mais c'est les pas clair. Oui, mais c'est. Mais bon, c'est. On est dans un contexte qui est totalement différent. Même par exemple, donc l'apocalypse pour les humains est différente. Puisque dans le film de 2011, c'est pas une apocalypse nucléaire, mais c'est une pandémie. Oui. Donc on est évidemment totalement dans l'ère du temps aujourd'hui. Mais je ne pense pas que de toute façon l'apocalypse soit l'élément le plus important dans La Planète des Singes, parce qu'en fait elle est quand même assez brièvement évoquée. Elle est évoquée de manière un petit peu métonymique dans le film de Schaffner, et puis juste sous format du générique, donc dans le film de Wyatt. Donc c'est pas le plus important. Et je crois que ce qui est vraiment vraiment important, même dans la nouvelle trilogie, moi ce qui me semble le plus important, c'est qu'en fait les effets spéciaux servent une idée, servent une émotion. Et ça, c'est pour moi le plus important, même quand je discute avec des spécialistes autour de moi du cinéma, ils disent La Planète des Singes, depuis la première adaptation de Schaffner, en fait, on oublie qu'on a affaire à des effets spéciaux, qu'on a affaire à des masques, parce que les acteurs, et je pense que évidemment Andy Serkis est très très important dans la nouvelle trilogie, mais en fait, les effets spéciaux servent l'émotion, et servent effectivement ce rapport à l'animal que nous pouvons avoir. Eh bien justement, cette émotion, certains n'y sont pas forcément sensibles. Hein, vous connaissez le principe de cette émission, il y a un moment où on se fait du bien en entendant des gens dire du mal. Et à La Planète des Singes, eh bien il y a des gens, on les connaît, ils n'aiment pas. Le masque. La Planète des Singes, les origines, le film américain du Britannique Rupert Wyatt, et qui est une 12e, je crois, ou 13e version du roman culte de Pierre Boulle. J'y suis allé vraiment en traînant les pieds, moi, la 1e mouture des singes après tout ce qu'on s'était tapé. C'est vrai que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est Boulle qui roule à masse de l'argent. De la monnaie de singe. Je trouve qu'effectivement l'histoire est quand même d'une banalité. Il y a vraiment tous les clichés modernistes de la peur de la science, etc. C'est c'est pas toujours d'une grande subtilité. C'est-à-dire que les citations de la guerre du Vietnam, de la Deuxième Guerre mondiale, du facho qui veut construire un mur comme Donald Trump, il y a des moments où ils y vont un tout petit peu à la serpe, à la louche, c'est pas très subtil. Moi, je suis plus émue par le premier King Kong que par ses primates de synthèse. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, les images de synthèse ont plus de charisme que James Franco, qui est l'acteur principal, et dont on se demande vraiment comment il a réussi à créer un vaccin contre l'Alzheimer. On se demande même s'il arrive à ouvrir une porte tout seul, mais enfin bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est une petite série B astucieuse, avec des moyens gigantesques. Alors moi, ça me gêne toujours un peu. Dès que c'est la révolte, dès qu'on a des grandes scènes de bataille sur le pont... On attend, parce qu'on attend que ça, évidemment. Bah ouais, sur le pont San Francisco, c'est un peu du dessin animé. Et du coup, quand les acteurs sont dessus, on a l'impression de voir un Mary Poppins version 2011. Tout ça est très, très, très bien fait, mais tellement bien fait qu'on perd un petit peu... De l'émotion. De l'émotion et de l'empathie pour ces singes et puis très, et puis très de, nombreux. Et puis de la surprise. Et de la surprise. On sait tout ce voilà, qui va mais se sinon, passer. C'est bien foutu. J'aime pas, j'aime pas. Alors évidemment, dans cette émission, nous respectons les avis et les opinions de tout à chacun. Pas moi. mais j'avoue que parler d'un manque d'émotion pour parler de César dans la dernière trilogie avec le film de Robert Wyatt et ensuite les deux opus qui ont suivi réalisés par Matt Reeves, qui travaille désormais sur The Batman. Batman. Ouais. Voilà, ça me semble un petit peu peut-être exagéré. Et j'aimerais avoir votre avis parce qu'aussi, en regardant la dernière trilogie, je me suis rendu compte que aucun animal autre que le singe ne représente aussi bien l'évolution du cinéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression que les étapes de l'évolution technologique sont marquées par un film avec un singe. Il y a eu King Kong, il y a eu le remake fait par Peter Jackson, aujourd'hui La planète des singes. Je trouve que le singe arrive à montrer, à faire évoluer le cinéma en termes de technologie, tout en gardant cette émotion. Pascal Pic. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi la connaissance, et on a connu ça aussi. C'est que Jurassic Park, je vais vous surprendre, parce que nous autres, les paléanthropologues, nous avons des deniers de l'État pour faire des recherches, mais il faut aller les chercher. Et quand est arrivé Spielberg, et d'un seul coup, on a eu des machines, enfin mes collègues ont eu des machines pour reconstituer la locomotion. Et d'un seul coup, ça donnait complètement un autre regard sur les dinosaures. Pas du tout les gros abrutis qu'on voyait jusqu'à présent. Tous les jeunes savent qu'il y avait le Velociraptor, faut pas le croiser la nuit. Hein. Donc, mais ça, on n'avait pas du tout cette idée-là. Et c'est pareil, on parlait un petit peu en voix off de Monsieur Serkis, donc cet acteur extraordinaire, qui évidemment a beaucoup travaillé sur les comportements, les attitudes autres. Et là, ne serait-ce que sur le plan de l'éthologie du comportement, c'est absolument remarquable. L'orang-outan a des comportements d'orang-outan. Le gorille a un comportement de gorille. Les chimpanzés ont des comportements de chimpanzés. Il n'y a pas trop les bonobos, sauf la petite zira, mais là, à l'époque, on ne les connaissait pas, les bonobos. Donc, je crois que il y a un problème en France, hein, c'est que, d'une manière générale, notre monde intellectuel n'aime pas les singes et n'aime pas la science-fiction. Et ni les effets spéciaux d'ailleurs. Et ce livre, et ce film, et ce roman arrivent en plein dedans. Donc ils questionnent nos rapports, évidemment, comme le canon de Morgan que j'évoquais, nos rapports au futur, nos rapports aux autres espèces ou autres. Et on voit bien que ça peut mettre mal à l'aise. Et moi, il y a une scène dans le film de 2011 qui me frappe énormément, c'est quand ils ont traversé après la bataille du pont, ils se retrouvent dans la grande forêt de Sequoia, évidemment. Et là, d'un seul coup, César se redresse, il est immense. Et là, à ce coup, il lâche César. Et chez lui. Et là, d'un seul coup, c'est tous les enjeux de l'évolution humaine. La bipédie, le langage, la compréhension, les capacités cognitives qui émergent. Et ça, ça me met mal à l'aise parce que notre culture ne nous prépare pas, surtout la culture française. Hein. On a un rapport cartésien entre l'homme et l'animal, et ce film nous met extrêmement mal à l'aise. Et c'est d'ailleurs fou de voir aussi à quel point l'évolution et le regard qu'on porte sur le monde animal a changé. C'est-à-dire que pour dans les années 60, fin des années 60, années 70, il fallait mettre un personnage comme Charlton Heston pour qu'on comprenne ce que vivait un animal. Aujourd'hui, avec la dernière trilogie, on voit tout des yeux des animaux et on comprend immédiatement que l'homme est pour le coup le vrai problème dans l'histoire. Océane. Ouais. Et je trouve même le dernier film en date, donc sorti en 2017, assez visionnaire. On entendait dans les extraits que ça s'inspirait de Trump, qui voulait faire des murs. Le film a été fait avant l'élection de Trump. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est que c'est Hollywood aussi qui rappelle un peu son statut de visionnaire, qui joue un peu la Cassandre à dire attention, c'est ce qui peut nous arriver. Et justement, cette métaphore des singes qui sont enfermés dans les camps, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est un appel à dire attention, à ne pas reproduire le passé. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Si vous avez de la fièvre, la gorge irritée ou de grosses quintes de taux, Restez chez vous. Oui. Les services des urgences sont pris d'assaut par des patients présentant des symptômes de ce qu'il est convenu d'appeler la grippe simienne. Le CDC, Service de prévention des épidémies, prévoit entre 5 et 150 millions de victimes au cours des prochains 6 à 8 mois. Les quarantaines obligatoires provoquent des troubles au sein de la population. Des familles entières sont déchirées. L'endiguement de la maladie est assez peu probable. Préparez vos familles, étudiez vos plans d'évacuation. Le taux de survie est aujourd'hui d'approximativement 1 pour 500. Le centre-ville a été le cadre de violences cette nuit pour la troisième fois en trois jours. La loi martiale a été décrétée dans 28 pays, y compris les États-Unis et le Canada. Le réacteur surchauffe, sa fusion semble inévitable. Le générateur connaît une défaillance grave. Et on assiste à un effondrement total de tout ce qui pourrait passer pour de la paix civile. En raison de la gravité de cette crise de la grippe simienne, toutes les fonctions gouvernementales courantes ont été suspendues indéfiniment. Ceux qui n'ont pas déjà été tués par le virus seront sans doute victimes des émeutes. Alors voilà, c'est peut-être bien la fin. C'est comme ça que ça va finir. Bientôt, il ne restera plus personne. Dernière scène de Massin, ça fait penser au massacre des Indiens aussi. C'était un extrait de La Planète des Singes, l'affrontement, et non pas une pub pour vous alerter sur les dangers du Covid-19. Okay. Alors évidemment, je sais que là, vous allez vous dire, oui, on sort du confinement, on a envie de penser à autre chose, mais n'empêche que c'est énorme d'imaginer que l'ouverture de ce film est peu ou prou exactement ce que l'on vient de vivre. Et donc on voit aussi le côté prophétique de certains films de science-fiction ou de films fantastiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Prophétique par rapport à la pandémie, c'est ça ? Par rapport à la pandémie, bien entendu. Oui, alors moi, je sais que j'ai été assez sollicitée par les journalistes pour répondre à toutes ces questions. Et effectivement, la science-fiction, elle n'est pas prophétique. La science-fiction, elle part souvent du présent. Et puis, pour analyser un petit peu notre futur ou nous prévenir de certains dangers. Et c'est vrai que dans le genre post-apocalyptique, la pandémie a quand même sa part belle. Je crois que le message qu'il faut retenir, je simplifie parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est que tout simplement... la pandémie, c'est une maladie qui va toucher les humains. C'est-à-dire qu'en fait, l'apocalypse ne va pas toucher la planète, mais elle va toucher juste l'humanité. Voilà. Alors ça, c'est pas nouveau. Déjà, par exemple, Rony Aîné en 1910, dans La Mort de la Terre, prophétisait en quelque sorte la mort de l'humanité. Et puis, d'autres espèces prennent justement le relais. Et La Planète des Singes, je pense que le message à retenir, c'est attention, notre civilisation est très fragile. Nous pouvons disparaître du jour au lendemain. Jean-Pierre Andrevon, par exemple, dans Le Monde Enfin, en 2001, a exactement, prophétisé ce qui s'est passé cette année, donc en 2020. Et donc, les humains qui se retrouvent finalement très peu sur la planète n'arrivent plus finalement à faire fonctionner notre civilisation technologique et disparaissent petit à petit. Par contre... le monde enfin, parce que le monde est enfin aux espèces animales. C'est ça le sujet. Et aussi l'évocation des droits civiques et d'une révolte quasi prolétaire. Parce que les singes servent de main d'œuvre, d'esclaves sur lesquels on fait des expériences et tout ça. Et au bout d'un moment, dans la dernière trilogie, César s'empare du bâton utilisé par ses tortionnaires et dit non. Et c'est impossible de pas y voir non plus un lien avec l'actualité. C'est-à-dire que dans l'ouverture, on voit bien que des émeutes vont suivre cette pandémie. C'est-à-dire que peut-être que la pandémie a permis les émeutes ou la prise de conscience de différents statuts sociaux, mais c'est quelque chose qui est abordé aussi via la Planète des Singes. Et c'était déjà aussi dans l'œuvre, dans les films des années 70. Oui, et puis c'est un autre. En fait, la Planète des Singes, elle propose donc ethnofiction. Elle propose un autre modèle de société plus égalitaire. Alors bien sûr, nous sommes quand même dans une société animale où il y a la loi du plus fort, parce que sinon nous ferions de l'anthropomorphisme, ce qui est présenté, Pascal Pic me fait signe, ce qui est présenté dans La Planète des Singes, mais je pense qu'il aura son mot à dire par rapport à ça, mais c'est un autre mode de fonctionnement. Et dans le dernier film de la trilogie, on voit bien que la loi du plus fort, elle est appliquée par les humains et non pas par les singes, qui au contraire sont extrêmement solidaires entre eux en termes de survie. Et donc à la fin, il n'y a plus d'humains et il y a une autre espèce, une autre intelligence qui est sur la planète et qui va peut-être créer un autre type de civilisation, ou pas, ou simplement une société qui sera en prise avec la nature. Pascal Pic, est-ce qu'il est concevable d'imaginer une Terre peuplée de singes intelligents et nous, servons d'animaux à ces singes? Alors ça existe déjà, hein, ils sont avec nous, ils sont autour de nous, on découvre tout cela. Donc je faisais un grand nom silencieux par rapport à ce que l'on dit des animaux. Les chimpanzés font de la politique, hein, donc ils ont le sens de la solidarité, de la collaboration, de la trahison aussi. Donc tout ça existe. Hein. Maintenant, c'est pas comme les humains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique occidentale, donc pour être précis, donc en Côte d'Ivoire, il y a une population de singes que l'on suit, de chimpanzés, pardon, depuis un siècle et demi. Donc on a toute une histoire qui est parallèle à celle des humains. Et aujourd'hui, avec la déforestation, ils sont en train d'engager une évolution qui est tout à fait identique à celle qu'on a connue il y a 2 millions d'années. Alors, de toute façon, ils ne deviendront jamais des humains. On ne va pas leur laisser l'occasion de toute manière, c'est très clair. Mais néanmoins, on voit bien qu'on part d'origines récentes communes et que face aux difficultés, les adaptations vont mobiliser des moyens à peu près identiques. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très intéressant sur l'aspect politique et dans les revendications du travail. Ça, c'est assez peu connu. Mais en 1952, il y avait les animaux dénaturés de Vercors, absolument extraordinaire. Et il y a un personnage que j'ai retrouvé qui s'appelait Victor Meunier. Je ne sais pas si vous le connaissez, cher collègue. Oui, oui, tout à fait. Victor Meunier, il s'était posé la question du 19e siècle et la question qu'on se pose aujourd'hui avec les robots et l'intelligence artificielle. Si on a des grands singes que l'on pouvait domestiquer, ils ont des mains, ils sont intelligents, ils réfléchissent, ils écoutent, ils savent faire, eh bien, pourquoi pas remplacer le prolétariat et faire en sorte qu'effectivement, nous libérions les hommes de ces tâches du travail, surtout au milieu du 19e siècle, on sait ce que c'était dans les usines et les mines. Donc, c'est très intéressant parce que vous avez très bien souligné que, et nous l'avons tous dit, que ces films, à travers les catastrophes qu'ils mettent en œuvre, suivent les grandes angoisses des différentes époques, mais également les aspects liés à la société et le rapport à l'environnement et surtout plus aux autres espèces. Mais il y a un phénomène, moi j'avais, quand j'ai relu Pierre Boulle pour cet essai que vous avez cité, qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots, et c'est dans la troisième partie du livre de Pierre Boulle qui n'a jamais été repris dans les films. Jamais. La raison pour laquelle les grands singes prennent le pouvoir, c'est pas un coup d'état des grands singes. C'est qu'en définitive, il y avait des machines, on avait domestiqué les grands singes. Je parle bien de la nouvelle de 63, où là, donc, les grands singes veillaient à tous les services comme des domestiques, de cette manière, comme des esclaves, au vrai sens du terme. Et là, la narratrice, qui en fait parle sous une sorte d'hypnose, donc elle est plus ou moins consciente, mais elle vide son disque dur, si je puis dire, et elle raconte que, au fil du temps, eh bien, la paresse les avait saisis, paresse intellectuelle, paresse physique. Et aujourd'hui, une trop grande partie de la société, des gens qui ont des difficultés, sont dans ce processus que j'appelle le syndrome de la planète des singes, où on a une perte d'appétence pour s'engager, parce qu'il n'y a pas d'espoir, il y a des difficultés, il y a des problèmes économiques, autres. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des problèmes majeurs, effectivement, des espèces. Ce n'est pas l'intervention de facteurs externes, facteurs externes, je veux dire, catastrophe nucléaire, problème de virus, les hommes sont responsables là-dedans. Mais en fait, ce sont des facteurs sociétaux qui sont peut-être le plus grave pour nous. C'est un vrai enjeu politique. Et ça, c'est dans l'œuvre de Pierre Boulle et c'est jamais dans les films. Alors, j'aimerais aimer qu'on en parle un peu plus longtemps, mais l'émission avance et dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur. Mais avant cela, histoire de lui laisser encore quelques secondes pour réviser, on va écouter The Streets and Tame Impala avec un titre que vous allez entendre tout de suite maintenant. Call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. I was gonna call you back, I swear. Just as soon as I felt. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can get back to it. How funny family is actually fucking has you in bits. Your mum has good genes but dads are ripped. Dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. Bunch of better things, they fucking love all of the guessing. Someone just met your ex thinking they met someone special. I was gonna call you back, I swear, just as soon as I felt. The phone is ringing, can't use it till it stops. I moan and listen, the tone emits. The only man in black, high-vis jackets in the cap. Brexit breakfast, day glow stars, I am backing and dashing. Whoever's with my ex needs to do better. She's still texting me at 2 till 10. Weird liquor tastes weirdly better when your life is fucked up. I was gonna call you back, I swear, just as soon as I felt. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. Love isn't a riddle, love isn't made to be hard. You know I'd give you my kidney, just don't ever take my charger. So dance like no one is awkward, to music listen to lit. You'd worry less about what they thought if you knew how little they did. You call and call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. I was gonna call. Call my phone thinking I'm doing nothing better. I'm just waiting for it to stop so I can use it again. You call and call my phone thinking I'm doing nothing. C'était The Streets and Tame Impala et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a le docteur Zaius au téléphone. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Mais ça va bien, ça va bien. Alors j'imagine qu'un pseudo pareil, on est fan de la planète des singes. Tout à fait, même un peu plus que ça, puisque je suis créateur d'un podcast qui s'appelle Cornelius Indira, et qui, bah, comme son nom l'indique, est dédié à l'univers de la planète des singes. Eh bien, toutes les coordonnées seront sur le site Blockbuster de France Inter. Alors, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, Dr Zaius, pas de problème, vous avez le droit à un joker qui vous donnera la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est parti. Okay. Matt Reeves a réalisé La planète des singes, l'affrontement, et La planète des singes, suprématie. Mais sur quel autre animal le réalisateur Matt Reeves est désormais en train de travailler ? Batman. Bonne réponse ! C'est un jeu très facile parce qu'on aime bien faire gagner les gens. Je m'attendais pas à une question sur Batman, pour être honnête. Oui, mais oui, justement, je savais ça. Question suivante. Combien de films comptabilisent désormais la franchise La planète des singes ? 7 films. Bonne réponse, voilà. On les donne, les cadeaux, on les donne. C'est bien. Et enfin, dernière question. Quel est le singe que l'on entend parler dans cet extrait sonore de La planète des singes, suprématie ? On écoute. Dors, tu ne peux pas les sauver. Singes mourront tous ici. Rejoins-moi. Alors, en fait, vous me posez une méga colle. Parce que vous l'écoutez en VO. Je l'ai vu en VF. Eh oui. Et puis, je suis plus fan de la saga que pour être honnête. A priori, le personnage a l'air de mourir. Désolé pour le spoiler, je pense que c'est César. César, non, ça n'est pas une bonne réponse. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker ? Est-ce que je peux avoir. Est-ce que je t'en fais une deuxième réponse ? Alors, allez-y. Alors, est-ce que ce serait Maurice ? Mauvaise réponse, il va falloir faire appel à un joker. Ah là là, catastrophe. Alors, à qui choisissez-vous ? Je ne sais pas. Il y a Océane, Dedo. Je pense qu'Océane. Pascal Pi. Je pense qu'Océane serait Océane, un bon choix. Océane a l'air de savoir. Alors pourquoi pas Océane ? Océane. Est-ce que ce serait pas Koba ? Bonne réponse ! Bonne réponse ! Et ben voilà, vous avez gagné. Attends, c'était Suprématie ? Oui. Ah, mais c'est tout. Okay. Voilà. Je ne sais même plus qu'il était dedans. Et ben n'empêche que vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster sur lequel j'ai bossé tout le confinement. Vous avez intérêt à être content. Ah bah, je suis ravi. Et qui sortira au mois d'octobre. Donc, on vous en fera parvenir un exemplaire. Jeanne va prendre vos coordonnées. Voilà. Un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Merci à vous, Dr Zaius. On l'a perdu. Mais voilà. On continue. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Dedo, Océane Zerbini, Pascal Pic, Natacha Vazder, je vous remercie. On aurait encore tellement de choses à dire sur la planète des singes. On n'a pas parlé du thème de Jerry Goldsmith, qui est quand même. Comme je le dis, cette émission n'est pas exhaustive. C'est Elle doit donner l'envie d'en découvrir un peu plus. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. Singe ! Pas vouloir faire la guerre mais faire la guerre. C'est humain, les oblige. On se retrouve demain pour parler de Gene Troué, de spleen existentiel et de musique contestataire. Demain, c'est Nirvana. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le Mac de l'été avec Anna Sigalevitch. Et en ce 29 juillet, où est-ce que vous nous emmenez, Anna ? Bonjour Frédéric. Bonjour Anna. Alors, nous sommes dans le sud, nous sommes à Marseille, au Ballet National, avec le jeune collectif La Horde, qui vient de prendre la tête du Ballet National de Marseille. D'accord. Eh ben écoutez, alors le temps que je vienne avec le RER et tout, je pense que je peux être mais là. Mais on vous attend. Oui, ça va être chaud. Merci. Il fait très chaud. Merci à vous.